de Georges Courteline, Les Têtes de Bois, dit par Jacques Dufilho. Quand Bois mourut, m'explique Van Drague, c'est moi qui fus désigné de corvée pour aller avec le chef le reconnaître à l'hôpital, à cause que nous étions pays, nés le même mois, au même patelin, où ce que nous restions censément porte à porte, loin, comme qui dirait, d'ici au magasin d'Abima. Bon. Nous partons, le chef et moi, et nous rappliquons à l'hôpital. Il y avait là tous les tirs au flanc d'escadron, Faès, La Grappe, Vergisson. Tous ces bougres-là se fichaient de ça, tiens. Ils fumaient leur pipe au soleil avec des capotes de réforme, des pantalons de propriétaire, est-ce que je sais, moi. Bon, ça ne fait rien. Nous arrivons dans une espèce de sale truc, grand à peu près comme la chambre, seulement peut-être pas tout à fait aussi haut. Ça puait là-dedans. Oh, mon pauvre vieux. Tiens, pire encore que la salle de visite. Le chef soulève son shako. Messieurs et dames, c'est lui qui dit, parce qu'il faut dire qu'il y avait là l'infirmier et la sœur des militaires. Hein. Bon. Mais ça boulotte, que dit le chef. Bon, nous venons, cet homme-là et moi, pour reconnaître le chasseur Bois qui est mort hier d'une méningite. Parfait, que dit l'autre. Tenez, le v'là. Il était déjà dans le sapin, ce bourre-là. Ah, un bas de sapin, oui. Je t'en fous. Quatre planches et puis un couvercle, ça fait le compte. Bon. L'infirmier entre le couvercle, il rabat le drap, il mouche la chandelle. Ah ah, que fait le chef, le v'là négociant. Eh bien, c'est parfait, allez-y, vous pouvez fermer la boîte. Là-dessus, je regarde, et qu'est-ce que je vois? Je vois que je ne reconnais pas mon Bois. Ah, mais tu penses si je me fous à gueuler, moi? Autant le mouvement est faux, c'est pas la tête de Bois. Quoi, que dit le chef, c'est pas la tête de Bois? Non, que je dis, c'est pas la tête de Bois. Mais c'est-tu que t'es ma boule, que dit le chef? Je suis pas ma boule, que je réponds. Je connais Bois pour un coup, pas vrai? Je pense pas que ce soit pour la peau que nous ayons fait nos classes ensemble et qu'il a été mon voisin à la chambre pendant au moins plus de 18 mois, non? Tout ça, que dit le chef, c'est pas de raison. Je te dis que c'est la tête de Bois. Non, que je dis. Si, que dit le chef. Je vous dis que non. Je te dis que si. Je vous dis que non. Je te dis que si. Enfin, comme ça, pendant une heure, et qu'à la fin, le chef, il voulait me foutre dedans et il disait que je commençais à l'embêter. Tout de même, ça se pourrait des fois que cet homme-là ait raison, dit l'infirmier qui disait rien, attendu qu'il en est mort trois ce matin, Bois, un gendarme et un caporal du 94e. Alors, comment leur y a tranché le cou à tous les trois pour faire des expériences, je ne dis pas qu'on ne sera pas fichu dedans et qu'on n'aura pas mis à Bois la tête du caporal, au caporal la tête du gendarme et au gendarme la tête de Bois. Ah oui, c'est sûr qu'on s'est trompé, c'est pas la tête de Bois, ça, c'est pas la tête de Bois. Crois-tu, hein, ce sale mufle-là, hein? N'importe, ça fait rien, tu vas voir. Bon. Donc, voilà l'infirmier qui prend la tête de Bois et qui se trotte dans la pièce à côté. Alors, moi, je dis au chef, c'est tout de même un peu fort que dans ce cochon de métier-là, on n'ait seulement pas mettre de sa peau pour une bonne fois qu'on est claqué. Hein? Et de fait, tu diras tout ce que tu voudras, mais il y a de quoi se flanquer en colère, hein? Enfin, c'est comme ça. Pour t'en finir, voilà l'infirmier qui reparaît et qui applique une autre tête sur les épaules du camarade. Alors, le chef se fiche ça beuglé. Ah, mais lève-la, cette fois-ci, je la reconnais, ça. Là, je la reconnais. Je m'approche, je regarde. What? Rien du tout, oui. Mais à ça que je fais, mais ça devient dégoûtant à la fin. Mais c'est encore pas la tête de Bois. Voilà-t-il pas le chef qui s'emballe? En voilà assez avec la tête de Bois. Allez, rompez. Vous coucherez à la boîte ce soir. Mais que je dis, mais puisque c'est pas lui. Si, qui fait, c'est très bien lui. Je ne la reconnais pas à cause de sa barbe, mais je suis aussi sûr que c'est la tête de Bois comme nous voici toi et moi en ce moment. Et écoutez, chef, que je fais alors? Je vais vous dire une bonne chose. Bois avait de son vivant un petit poids derrière l'oreille. Regardez voir un peu s'il y est. C'est bien, que dit le chef. Monsieur va regarder. Mais je t'avertis que s'il y est, tu ne couperas pas tes 8 jours. Hein? C'est bon. On retrousse l'oreille de Bois, et comme de juste, pas plus petit poids que sur ma main. Je regarde le chef en rigolant. Mais... Mon vieux, tu crois peut-être qu'il s'épate? Non, je t'en fous. Il prend l'air digne, utoise l'infirmier du haut en bas, il te l'engueule comme un pied, en disant que c'était ce fiche du pape que de couper la tête des morts et ne pas les retrouver après, que les soldats n'étaient pas de la charcuterie, qu'on traitait les chiens mieux que ça. Enfin, mon vieux, un boniment, la sœur en rotait. Bref, l'infirmier reprend la tête de bois, qui n'était pas la tête de bois, il s'en va avec et revient avec une autre tête. Crois-tu bien que cette fois-là, le chef se dit qu'il la reconnaît pas? Ah, mais pour le coup qu'il fait, c'est pas la tête de bois, ça. Alors, l'infirmier se fout à rogner, naturellement. Comment, qu'il dit, vous osez dire ça? Eh bien, vrai, vous la connaissez, vous, encore, pour reconnaître votre monde. Je vous fais mon compliment. Mais le chef s'en fichait pas mal, il gueulait. Fous-moi la paix, vous êtes une poêle, une moule. C'est pas la tête de bois, c'est pas la tête de bois. Tout ça pour faire l'entendu, tu vois le coup. Heureusement, il y avait le petit pois. Et que je fais, faites donc pas tant de fois, hein. Retroussez-y plutôt l'oreille, vous verrez bien si le poids y est. Ça ne rate pas, parbleu, il y était. T'en vrai, t'es pas la moitié d'une bête, hein. C'est bon, vous pouvez fermer. Voilà une bonne corvée de fête. Messieurs, dames, bien le bonjour. Le lendemain, on enterre à bois. Tout l'escadron était là, le lieutenant-colonel en tête. C'était chic, hein. Oh, c'était très chic. Mais ça fait rien. C'est un peu raide de penser que si j'avais pas été là, on enterrait carrément le pauvre cochon avec la tête dans le salon.